se fam la Mwen keni pou di Jini plize a famizot Ki kan fe magi Tou le swa se l'hotel la Yo a kontrole Se champagne yo ga bwe kwa Pa an sou yo ka peye Si yo bwe yo le yo ka danse Fam, pou fam Si yo bwe jala yo abye Fam, pou fam Si yo tan kont sa yo ka pale Fam, pou fam Men sa ki bel se le yo ka jwe Fam, pou fam Se fam la, mwen konen tre bien Si ou vwe ou touche, I peke di ayen Tini a fwa deni a goze, yo deni pou fermi Si I pate pou sa, se fam tou sel yo te geni la Si ou vwe yo la yo ka danse Fam pou fam Si ou vwe jala yo abye Fam pou fam Tan kont sa yo ka pale Fam pou fam Men sa ki bel se le yo ka jwe Fam pou fam L'année passée, si plage là c'est belle, c'est là où que voyons toute la journée, qu'a posé un soleil. Les lannes fini au café en tout, papa de fond côté Marilou, mais c'est blue sky et puis totem, c'est pas ça là qu'a foutu flamme. Si vous voyez là, yo qu'a dansé, femme pour femme. Si vous voyez jala, yo habillé, femme pour femme. Tan kont sa yo ka pale Fam pou fam Men sa ki bel se le yo ka jwe Fam pou fam Pendant vakans l'ane pase Si plaj la tse bel Se la ou ke vwe yo tout la jounen Ka pose an soley Le lan wè fini yo ka fè yon tou A pat pou kote Marilou Men se blue sky e bi totem Se pam sala ka foute flam Si ou vwe yo le yo ka danse Fam pou fam Si ou vwe jala yo abye Fam pou fam Si ou tan kont sa yo ka pale Fam pou fam Men sa ki bel se le yo ka jwe Fam pou fam Hey, hey.